Bonjour mes chers amis, et ce lundi, nous allons terminer le chapitre 19 et débuter en même temps le chapitre 20 de l'Évangile de Luc. Mais comme c'est notre coutume, nous allons commencer par demander à Dieu de nous guider dans sa parole. Notre bon Père du ciel, guide-nous. Nous avons besoin que tu nous parles. Besoin que tu nous diriges. Nous mettons au pied de ta parole et nous demandons que par ton esprit tu illumines nos intelligences et nos pensées. Au nom de Jésus, amen. Nous allons prendre quelques instants pour résumer, si vous voulez bien. Nous sommes dans l'Évangile de Luc et nous sommes dans cette portion où ce que Jésus est sur le chemin pour monter à Jérusalem. Et là maintenant, il est rendu à Jérusalem. Parce qu'on a vu la semaine passée qu'il est rentré comme roi dans Jérusalem. Il ne faut pas oublier qu'il écrit à Théophile, cette autorité romaine. Et il lui dit, il est vrai que Jésus est roi. Mais on a vu ensemble dans le chapitre 19 quel genre de roi il est. Il n'est pas un roi économique ou politique, mais il est un roi spirituel qui va établir un royaume spirituel. Donc, Théophile, Jésus et les disciples et les chrétiens que tu entends parler à travers l'Empire romain ne sont pas une menace pour l'Empire romain. Après qu'il était rentré dans Jérusalem, ayant lui-même mis en place son couronnement, il est entré dans le temple, il a chassé les vendeurs du temple. On pense qu'on est à la fin de lundi, donc il nous reste 3 jours avant sa mort. Et le chapitre 20 et 21 vont avoir lieu dans ces 3 jours-là. Nous allons commencer par lire le verset 47 jusqu'au verset 48 du chapitre 19 et nous allons... introduire le chapitre 20, 21 pour la semaine qui s'en vient. Il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Ceci, c'est l'introduction du chapitre 20 et 21. Il enseignait tous les jours dans le temple, tous les jours qui restent avant sa crucifixion, 3 jours. Et il dit que les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple, ça veut dire le Sanhédrin, cherchent à le faire périr. Ils cherchent une occasion de le faire périr sans faire de tumulte dans le peuple. Mais ils ne savent pas trop comment s'y prendre. On va voir le chapitre 22, comment il va s'y prendre. Comment ils vont s'y prendre avec l'aide de Judas. Mais il faut bien comprendre que quand les dirigeants d'un peuple, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les sacrificateurs, quand eux sont les dirigeants du peuple, c'est eux qui enseignent le peuple. Donc, le peuple croit les mêmes vérités ou les mêmes mensonges qu'eux. C'est pour ça qu'on va voir que dans chapitre 20 et chapitre 21, Jésus va adresser ses condamnations à Israël. En condamnant les chefs d'Israël, il condamne le peuple. Parce que lui-même a dit, ce sont des aveugles qui sont conduits par des aveugles. Et tous les deux vont tomber dans le même trou. Donc, il ne faut pas penser, il ne faut pas voir le peuple comme des victimes. C'est un peu notre philosophie, notre pensée dans la société présentement. Ouais, mais ils ne sont pas coupables. Ils ont été élevés dans cette religion-là, donc ils la pratiquent le mieux possible. Et ce n'est pas leur faute. Ça, ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est pas l'enseignement de Jésus. Si les gens suivent les enseignements, c'est parce que ça fait leur affaire. Ça fait leur affaire. Et c'est pour ça que au niveau catholique, dans les années 60, 70, on a eu ce genre de révolution. Et la grande masse des jeunes ont rejeté L'Église catholique a rejeté la pratique, même s'ils avaient été élevés là-dedans, ils ont finalement rejeté la pratique catholique. Et ils ont adhéré à d'autres mouvements religieux, selon leur plein gré. Donc, jamais personne ne va pouvoir dire, c'est pas de ma faute, j'ai cru ce qu'on m'avait enseigné, et donc Dieu ne peut pas me condamner. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas un principe biblique. Donc, Jésus, en condamnant les chefs religieux d'Israël, il condamne en même temps tout Israël. Et on va voir, quand la condamnation et le jugement vont s'abattre sur Israël, elle ne va pas s'abattre seulement sur les chefs, elle va s'abattre sur toute la nation d'Israël. Ça, c'est l'introduction. Donc, dans le chapitre 20, que nous allons voir ensemble cette semaine, on va voir, il va s'adresser aux scribes, il va s'adresser aux sacrificateurs, il va s'adresser aux sadducéens, il va s'adresser aux chefs religieux, et chacun va venir, les chefs, les scribes, tous les gens qui sont là, les scribes, ils vont venir l'attaquer dans le temple pendant qu'il enseigne là. Donc, le chapitre 20 se passe dans le temple, et c'est les chefs religieux qui vont venir attaquer Jésus afin de trouver un moyen de le faire périr. Donc, toutes les questions, tous les dialogues qui vont avoir lieu ont comme but, de la part des gens, des chefs, de faire périr Jésus. Donc, il ne faut pas voir des gens qui sont honnêtes, des gens qui ont des bonnes intentions, des bons motifs, en venant interroger Jésus. Nous allons voir, présentement, aujourd'hui, le chapitre 20, versets 1 jusqu'à 8. Lisons ensemble. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes, avec les anciens, survinrent et lui dirent : « Dis-nous par quelle autorité fais-tu ces choses ? Ou, qui est celui qui t'a donné cette autorité ?» Il leur répondit : « Je vous adresserai aussi une question. » « Dites-moi, le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes ?» Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. « Si nous répondons du ciel, il dira, « Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient d'où il venait. Et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Donc, un de ces jours, il s'adresse au peuple dans le temple. Donc, il est dans le centre névralgique religieux d'Israël, il est dans le temple. Et les chefs religieux sont là. Et il annonce la bonne nouvelle. Alors, on a vu ça ensemble tout au long de l'évangile de Luc. Il annonce la bonne nouvelle. Quelle est donc cette bonne nouvelle? Ce n'est pas la croix. C'est Dieu vient établir son royaume. Dieu a envoyé le Messie pour établir son royaume, le royaume de Dieu. Dieu vient régner sur les gens. C'est ça la bonne nouvelle. Mais pour qu'il règne sur un peuple, il faut que le peuple soit sauvé par Jésus. Mais le but, ce n'est pas de sauver le peuple. Le but, c'est d'établir le royaume de Dieu. Un roi qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, va régner sur un peuple. Mais pour qu'il puisse régner, il faut qu'il sauve le peuple de ses péchés. Le but final, ce n'est pas sauver le peuple de ses péchés, mais c'est d'emmener un peuple sous le règne de Dieu, sous le règne de notre Créateur, notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Les principaux sacrificateurs, voyez-vous, ça c'est un groupe, les scribes, c'est un autre groupe, les anciens, là-dedans font partie les sadducéens probablement, et les pharisiens. C'est toute la grosse gomme d'Israël, tous les chefs religieux, lui dire, dis-nous par quelle autorité tu fais ces choses. Qui t'a donné le droit de te faire couronner roi et de chasser les vendeurs du temple? Qui t'a donné cette autorité-là? Pour qui tu te prends pour faire de telles choses? Pour qui tu te prends pour accepter d'être couronné roi du peuple d'Israël? Pour qui tu te prends de t'avoir fait un fouet et d'avoir chassé les vendeurs du temple et de nous dire qu'on était une gang de voleurs? Pour qui tu te prends donc? Qui t'a donné l'autorité? Jésus fait comme c'était la coutume dans ce temps-là. On enseignait souvent en répondant à une question, en posant une autre question, pour emmener celui qui a posé la question à trouver la réponse par lui-même. Et quand l'élève trouve la réponse, il va s'en souvenir bien mieux. Il va réfléchir, il va raisonner. Et dire, bon, mais vous voulez savoir qui m'a donné l'autorité pour faire ces choses-là? Il ne dit pas « je n'ai pas l'autorité ». Il a l'autorité. Je vais vous répondre si vous répondez à ma question avant. Et la question était « Jean-Baptiste, qui lui avait donné l'autorité de faire ce qu'il a fait? Est-ce que son baptême, est-ce que lui qui a appelé le peuple d'Israël à se repentir, lui qui a dit aux gens « préparez le chemin du Seigneur », lui qui était la voix dans le désert prophétisée par Ésaïe. Qui lui avait donné l'autorité à Jean? Est-ce que ça venait du ciel ou des hommes? Qui a envoyé Jean? Qui a mandaté Jean pour appeler le peuple d'Israël à se repentir? Il était en train de répondre à leurs questions. Mais c'est une gang d'hypocrites. Comme beaucoup de chefs religieux, ils veulent avoir l'autorité, mais en même temps, ils ne veulent pas contrarier le monde qu'ils enseignent, le monde qu'ils conduisent. Donc, si on dit que Jean venait de Dieu, Jésus va nous dire pourquoi vous ne vous êtes pas fait baptiser par lui, si ça venait du ciel. Pourquoi vous n'avez pas obéi à son appel de vous repentir? S'ils se seraient repentis, ils auraient cru en Jésus quand il serait venu. Mais ils ne l'ont pas cru. Mais si on dit que c'est la foule, que ça vient des hommes, la foule va nous lapider. Voyez-vous comment ils sont sournois, comment ils sont hypocrites, comment ils sont malhonnêtes? Au lieu de dire, nous croyons que Jean n'était pas de Dieu. Ou nous croyons que Jean était de Dieu, mais toi tu ne l'es pas. Mais pourquoi ne veulent-ils pas dire que Jean était de Dieu? Pourquoi ils ne veulent pas dire cela? Parce que Jean, Baptiste, a présenté Jésus comme étant celui qui devait venir. Souvenez-vous, cette même gang de personnes-là avait dit à cette gang-là, « Moi, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas le prophète, je ne suis pas Élie. Je suis la voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. » Et puis, il a dit, il y a parmi vous un homme qui est tellement grand, tellement important, que je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Il est là parmi vous. Jean avait pointé ses disciples. Jean déclarait que Jésus était le Messie. Donc, si on dit que Jean venait du ciel, et que Jean a déclaré que Jésus était celui qui devait venir, bien Jésus vient du ciel aussi. Si le ciel a mandaté Jean-Baptiste pour pointer le doigt vers Jésus, c'est parce que Jésus vient de Dieu aussi. C'est Dieu qui lui a donné la même autorité. Celui qui envoie le héros du roi est celui aussi qui envoie le roi. C'est la même autorité. L'autorité venait du ciel. Donc, ils ne veulent pas prendre position, ni ils n'ont pas pris position pour Jean, puis ils n'ont pas pris position pour Jésus, ni pour, ni contre. C'est des gens qui se promènent dans la zone grise, ils ne veulent pas déplaire à personne, ils veulent contrôler tout le monde. Si on dit ça d'un bord, on va avoir les autorités romaines contre nous. Si on dit ça sur l'autre bord, on va avoir le peuple contre nous. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour garder notre autorité dans le peuple sans se mettre les Romains à dos? Voyez-vous comment est-ce qu'ils sont malhonnêtes, sont croches? Ils ne sont pas honnêtes dans leur approche. Ils ne sont même pas honnêtes dans leur pratique religieuse. Ils ne sont même pas honnêtes dans leur propre pratique religieuse. Ceci nous démontre qu'ils rejetaient Jésus comme autorité. Ils savent qui a envoyé Jésus? Nicodème a dit, Nicodème était un de ceux-là, de ces chefs religieux-là. Il avait dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu à cause des miracles que tu fais. Il ne pouvait pas faire autrement que se poser la question. Cet homme qui est là depuis 3 ans, qui a fait des dizaines de milliers de miracles de toutes sortes, ne veut pas faire autrement que devenir de Dieu. Mais ils ne le veulent pas. Pourquoi ne le veulent-ils pas? Parce que Jésus les a dévoilés. Jésus les a mis à découvert, les a mis à nu. Jésus a démontré leur hypocrisie et leur malhonnêteté. Jésus les a appelés, eux autres aussi, à se repentir, parce que Jésus était prêt à les sauver aussi s'ils se repentaient. Mais au lieu de se repentir à l'appel de Jean et à l'appel de Jésus, parce que Jésus a prêché la repentance aussi, ils n'ont pas voulu et ont dit, on va faire mourir cet homme-là. On va le faire périr. Donc, en ne répondant pas à la question de Jésus, Jésus dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. S'ils avaient répondu du ciel, Jésus aurait dit, c'est la même autorité. Dieu avait envoyé Jean pour vous appeler à vous préparer parce que le Seigneur arrivait. J'arrivais. Voyez-vous comment Israël va être condamné, Israël va être rejeté, Israël va être jugé sévèrement. Pourquoi? Ils ne veulent pas. Ils n'ont pas voulu obéir à Jean-Baptiste. Pourtant, tout le peuple savait qu'il était un prophète. Tout le monde savait qu'il était envoyé par Dieu, Jean-Baptiste. Mais ils n'ont pas voulu obéir à Jean-Baptiste qui les appelait à se repentir. Donc, ils ne vont pas obéir plus à Jésus. Donc, si Jésus avait répondu du ciel, il n'aurait pas plus obéi à Jésus qu'ils avaient obéi à Jean. Jésus a dit, depuis quelques chapitres déjà, il dit, « Depuis Abel le juste jusqu'à Zacharie, que vous avez fait mourir. » Vous avez fait mourir tous ceux que Dieu vous avait envoyés jusqu'à Jean-Baptiste. Donc, vous allez agir de la même façon envers moi et vous allez être condamnés. Parce que celui qui avait envoyé Jean, c'était Dieu. Et celui qui m'a envoyé, c'était Dieu. Israël rejette l'autorité de Dieu. En rejetant les prophètes de l'Ancien Testament, en rejetant Jean-Baptiste, en rejetant Jésus qui veut le faire périr, ils rejettent l'autorité de Dieu ou du ciel sur eux. Et ils vont être condamnés en tant que peuple. Il ne faut pas s'y méprendre. Même si le peuple a vu en Jean-Baptiste un prophète de Dieu, et même s'ils admirent Jésus quand il enseigne, finalement, le peuple ne va pas se repentir. Parce que faut bien comprendre que Jésus, il l'accepte présentement parce qu'il est un faiseur de miracles, il enseigne. Mais ils n'en voudront pas du même Jésus, mort, crucifié, rejeté par les autorités et rejeté par les Romains, ils n'en voudront pas de ce genre de Messie-là. Là, ils en veulent de lui. Parce que Jésus fait des miracles, il leur donne du pain, il les enseigne. Donc, ils admirent ça. Mais un Messie mort, rejeté par tout le monde, ils n'en voudront pas et ils vont se détourner de son enseignement. En tant que peuple, il y en a qui vont se convertir. On va le voir en s'en allant. Et si vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez voir qu'il y a des gens qui se convertissent en Israël aussi. Mais le peuple, en tant qu'ensemble, rejette le Messie. Notre bon Père du ciel, l'être humain ne veut pas se soumettre à l'autorité du ciel. L'être humain, dans toute son histoire, partir d'Adam et Ève qui ont sorti du paradis terrestre parce qu'ils n'ont pas voulu se soumettre à l'autorité de Dieu, depuis ce temps, l'homme est rebelle à l'autorité du ciel. Il ne veut pas se soumettre à Dieu. Et il l'a démontré en faisant périr ceux que Dieu lui envoyait. Et finalement, ils vont faire mourir le juste Jésus, le roi, le Messie. Ô notre Dieu, donne la grâce à des hommes et à des femmes de ce monde de se soumettre à l'autorité du ciel. Au nom de Jésus, Amen.